Pascal, Enzo, Yanyamiano, Kizari, Jare, Bofella, Lianja, Loana, Lilo. projet pour des Catalans. Je ne peux pas nous yoler les mots. Allez, c'est quoi, quoi? Fils et fille, bon, mon gars, maman, elle dit. La gâte, bon, maman. Patrick Makoko.